fait un instinct sur instant, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Tout à l'instinct, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Voilà la symphonie des blocs, l'hymne de guerre. L'hymne national des quartiers de France venu te plaire. La l'une des dernières colonies. Habillé au colonel, c'est Vince le colon. La psychiatre à bord du sanctuaire. Le chant du ghetto, mon pote. La cicatrice de tant de galères. La jambe de bois qui nous lie, qu'on soit riche ou pauvre, mon pote. Ce que je te livre, c'est rien d'autre. C'est une maladie de joie et de haine dont je n'ai pas d'antidote. Ou à l'instinct, plein dans mon quartier libre. Pour nos talents, tu es talent gâché. Qui descend en chute libre, au mec des blocs comme moi. Teneur de mur dès l'instant, où le bloc opératoire a mal greffé nos destins. Je viens coucher les serrures, seulement des bunkers. Avec la clé de solde de Mozart, pisse aux héritiers comme moi. Comme toi, je rêve de mettre fin au cauchemar. Mais on se nourrit de trop de drogue douce avant le réel départ. Fait un instinct sur l'instant, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Tout à l'instinct, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Les mondes du bois, surtout quand on les maîtrise pas. Je suis jeune et mon métier c'est de dire ce qui va pas. Est-ce un métier ou une passion, ou une obligation de crier pour pas nous oublier? On fait partie de ceux qu'il faut sauver. Notre mental s'écroule, le diable frappe à coups de tractopelle. Y'a la santé des mômes en bas des ruines, mais la brigade canine intervient que pour renifler l'héroïne. Entends l'espoir dans l'appel, l'économie souterraine fait vivre des familles entières dans le stress. Même ta mère peut être confrontée. Ton père le torse au sol, 6h du mat, le GIPN, HM a frappé. On a du mal ici, les mal aimés. Ils nous mettent mal à l'aise, nous jugent mal. Honnête comme Lacoste René, ça charbonne plutôt. Besoin de fric plutôt. On fait des enfants plutôt, donc on devient soucieux plutôt. Mis en quarantaine comme dit Tonino, ils nous ont mis là, dans le fuego, dans le muermo. C'est qui chante, c'est la zone franche. La pitié fait pas manger, t'attends pas à nous voir faire la manche, dis-moi. Fait un instinct sur instant, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Tout à l'instinct, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Je viens donner de la force à ceux qui manquent, à ceux qui manquent, à ceux qui savent que toutes les richesses ne se trouvent pas dans des banques. À ceux qui plantent un peu d'espoir dans ce champ de coton. À ceux qui savent qu'on peut faire de l'or avec du béton. À ceux qui s'arment à travers des bouquins. À celles qu'on les ailes pris dans les filets du machisme africain. À ceux qui se font de la bile. À ceux qui savent que si le bloc est un cercueil, je suis le Black Mamba de Kill Bill. Que Dieu m'accorde sa miséricorde. Que je donne de l'amour à ma horde avant qu'elle la trouve à travers un god. Au moins pour ceux qui quand je souris m'entendent pleurer. Pour ceux qui passent leur temps à éloigner cette lame de mon poignet. C'est pour eux que je veux tout niquer. Qui sait combien de graines Dieu a laissé dans mon sablier. Pour mes favelas, Mino la Zouija. L'instinct sur l'instant, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Tout à l'instinct, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. À l'instinct sur l'instant, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son. Tout à l'instinct, sans calculer le destin. Le temps de vie est restreint. On voit le festin, ça c'est notre son. Pour nos garçons, pour nos garçons, ça c'est notre son.